Le prince Mishkin, terrassé par une nouvelle attaque d'épilepsie, a été emmené chez lui, inconscient. C'est donc moi, Aglaé, sa fiancée, une fiancée bien inconstante, qui reprend la parole à sa place. La soirée a continué. Pas longtemps, il est vrai. Le comte Briansky est parti le premier. C'est navrant. Toutes mes doléances, Elisabeth Prokofievna, une si brillante soirée gâchée. Quant à ce jeune homme, le prince Mishkin, si vous me demandez mon opinion, il m'a fait l'impression d'être surtout un exalté. Le comte Briansky partit. Ce fut le tour de la vieille princesse Bielokonski de prendre congé de ma mère. Que veux-tu que je te dise, Elisabeth Prokofievna? Le prince Mishkin n'est pas un mauvais garçon, mais il est malade. Et c'est une maladie inguérissable. Adieu, ma chère. Lorsque nous demeurâmes seuls, mon père regarda ma mère avec tristesse. Cette dernière haussa les épaules et s'en alla, je ne sais pourquoi, vers le piano resté ouvert. Elle le referma machinalement et revint sur ses pas. Ah non, vraiment, je ne m'attendais pas à cela. Quelle ironie du sort. Écoutez-moi, général. Tant que je vivrai, le prince Mishkin ne deviendra jamais le mari d'Aglaé. J'ai dit. Le lendemain matin, mes sœurs aînées me demandèrent, assez prudemment du reste, si je pensais toujours épouser le prince. Je leur répondis sur un ton froid et arrogant. Je ne lui ai jamais donné ma parole et je ne l'ai jamais considéré comme mon fiancé. Il m'est étranger au même titre que n'importe quel autre jeune homme qui vient chez nous. À ces mots, ma mère devint rouge. Je sais bien que le prince Mishkin est un fiancé impossible, mais je n'aurais jamais cru que tu parlais de lui de cette façon, Aglaé. À ta place, j'aurais chassé tous ceux qui étaient là hier et j'aurais gardé le prince Mishkin. Tous ces petits jeunes gens qui se pressent autour de toi ne lui arrivent pas à la cheville. Ma mère se tut brusquement, effrayée sans doute par ses propres paroles. Mais elle ne savait pas à quel point elle était injuste envers moi. Car tout était déjà décidé dans mon esprit, et je n'attendais que le moment propice pour agir. Le lendemain, je me levais assez tard. Je me rappelais aussitôt dans tous ces détails la soirée de la veille. Et une grande mélancolie m'envahit. Je cherchais vainement comment je pourrais réparer les dommages que j'avais causés à toute la famille d'Aïe Panchina avec mon attaque d'épilepsie. Mais ne trouvant rien, je me sentais misérable et plus étranger que jamais au monde qui m'entourait. Vers midi, Lebedev vint me voir. Ma visite sera de courte durée, estimé prince. Je franchis votre seuil dans le but unique de vous offrir mes services. Quoique mon inquiétude soit vive, je ne vous demanderai pas de nouvelles de votre santé, car je suis infiniment discret. Rien ne me révolte plus que les gens qui se mêlent des affaires des autres. Ainsi, ne vous interrogerai-je point sur la crise qui vous a terrassé hier soir chez les Yepanchin. Et vous ferez bien, monsieur Lebedev. Je me sens fatigué, je suis triste et je n'ai envie de parler à personne. Mais je vous comprends, honorable prince, et je partage votre douleur. Mais je n'approuve pas votre résolution, elle me semble peu raisonnable, je peux même dire funeste. Quelle résolution ? De vous enfermer dans votre solitude alors que vous devez au plus vite reprendre contact avec les êtres et le monde extérieur. Sinon, vous êtes perdu, estimé prince. Avez-vous besoin d'argent, monsieur Lebedev? Alors de grâce, dites-le-moi sans préambule. Qui vous parle d'argent, prince sérénissime? Je fais de l'usure, c'est vrai. Cependant, je ne prendrai pas le vôtre. Apprenez donc que le véritable but de ma visite, c'est de vous offrir de l'argent. Mais pourquoi cela, monsieur Lebedev? Je n'en ai pas besoin. J'ai fait le calcul de l'état de vos finances. D'un 1,5 million de roubles que vous avez hérité de monsieur Pavlitchev, il ne doit plus vous en rester qu'une centaine de mille. Autrement dit, vous avez distribué 1,4 million roubles aux veuves, aux orphelins et autres sans-sus. Ce n'est pas tout à fait juste, monsieur Lebedev. J'ai bien dépensé 30 ou 40 000 roubles pour mon propre entretien. Mais enfin, où voulez-vous en venir? À ceci, très estimé prince. Votre santé est de nouveau compromise. Le climat de Saint-Pétersbourg ne vous vaut rien. La société des Russes vous est franchement nuisible. Comment? Mais je suis moi-même russe et par conséquent... Oui, vous avez besoin de repos, de calme. Retournez donc en Suisse, honorable prince. C'est votre seul salut. Ne me dites pas que vos moyens ne vous permettent pas de vivre en Suisse. car j'ai pris la décision de pourvoir à vos besoins pendant tout votre séjour dans ce pays. Je vous remercie très sincèrement de votre offre généreuse, monsieur Lebedev, mais je ne peux pas l'accepter. Vous avez 10 orphelins à nourrir, il me semble. 9 seulement, estimé prince. Et en pressurant un tantinet plus mes semblables, je me fais fort de nourrir mes orphelins et de vous envoyer des mensualités convenables en Suisse. Écoutez, prince, je ne suis pas un altruiste, loin de là. Je peux même dire que je suis un sale égoïste. Mais voilà, je n'ai jamais estimé personne dans ma vie jusqu'au jour où je vous ai rencontré. Oui, je vous estime. Et je m'incline bien bas devant vous. Admettons qu'il en soit ainsi, monsieur Lebedev. Admettons que vous ayez trouvé en moi un homme accompli, en quelque sorte. Mais je ne saisis pas encore bien le sentiment qui vous pousse à m'offrir votre aide. Oh, en vérité, un sentiment vil, honorable prince. Je crains de vous perdre. Et avec vous, le peu de lumière qui éclaire ma morne existence depuis que je vous connais. Ah oui, maintenant je comprends. Cependant, même pour vous conserver cette lumière qui éclaire dorénavant votre vie, je ne peux pas partir pour la Suisse. Excusez-moi, monsieur Lebedev, j'ai des obligations beaucoup plus importantes à remplir ici, à Saint-Pétersbourg. Et vis-à-vis de qui, prince sérénissime? Vis-à-vis de Nastassia Philipovna? Vis-à-vis d'Aglaé Ivanovna? Mais n'ont pas besoin de vous. C'est moi, Lebedev, qui me sentirais mortellement touché si vous disparaissiez. Vous croyez? Mais j'en suis persuadé. Cette femme déchue, comme cette jeune fille vaniteuse, se joue également de vous. Si elle tenait à vous, si peu que ce soit, elle serait déjà là. Vous avez peut-être raison, monsieur Lebedev. Il est fort possible que je les indiffère. Mais vous n'auriez pas dû me le dire. Ce n'est pas charitable. Je finirai par croire que vous êtes vraiment un homme vil, monsieur Lebedev. Vous jetez votre fiel sur tout, vous salissez tout. Allez-vous-en, laissez-moi seul. Allez-vous-en immédiatement, autrement je vous jetterai dehors. Oh, je vous obéis, très estimé prince, et je m'en vais. Mais je m'en vais le cœur plein d'amertume, en me disant, la gratitude n'est pas de ce monde. Lebedev parti, je me sentis un peu plus fatigué, un peu plus triste. Je me dis que les derniers liens qui m'attachaient au monde se défaisaient tout seuls. Cette constatation me remplit d'effroi. Je me levai et voulus sortir. C'est alors que quelqu'un frappa à la porte. Je m'arrêtai, j'attendis, prêt à défaillir. C'était Vera, la fille aînée de Lebedev. Excusez-moi, prince, si je vous importune, mais Aglaé Ivanovna vient de me charger d'une commission pour vous. Vous m'apportez un billet d'Aglaé Ivanovna? Est-ce là? Non. Aglaé Ivanovna m'a fait venir chez elle ce matin. À peine étais-je introduite dans sa chambre que la générale Yepanchin nous rejoignait. Aglaé Ivanovna a eu juste le temps de me murmurer à l'oreille « Dites au prince que je le prie instamment de ne pas quitter la ville. Je viendrai le voir entre 7 et 9 heures ce soir. » Mais pourquoi, Vera? Que signifie son désir de me rendre visite ici, chez moi, et le soir? C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkine, Jean-Jacques Delbault, les Bedef, Ginette Taffin, Aglaé, René Maupré, le comte Briansky, Yvette Morek, la princesse Bilokonski, Michel Bré, Vera, et Gabi Morlaix, la générale Yepanchin. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.